Dossier 4. Leçon 2. Jour de fête. Activité 8. Vous avez 5 nouveaux messages. Salut Mathieu, c'est Alberto. C'est d'accord pour ta fête samedi soir. Je viens avec ma copine Laure. Je peux apporter du jus d'orange si tu veux. Salut, à samedi. Salut Mathieu, c'est Jessica. Je suis désolée, mais je peux pas venir samedi soir, je ne suis pas libre ce week-end. Une autre fois, j'espère. Bisous. Mathieu, salut, c'est Benoît. C'est OK pour samedi, je viens avec ma sœur Louise. J'apporte de la musique pour danser, OK? Mathieu, c'est Stéphanie. On vient samedi tous les trois, Marco, Fanny et moi. Bon, j'apporte 2 gâteaux, d'accord? Je t'embrasse, salut. Salut Mathieu, c'est Olivia. Samedi soir, moi je ne peux pas venir, mais Blandine et Lisa, elles peuvent. Et elles apportent du champagne. Allez, salut, bisous.